Évidemment, la nouvelle ce matin, c'est la grosse nouvelle, une nouvelle qu'on s'attendait tous, le décès de Mike Bossy à l'âge de 65 ans. On va parler avec un autre ancien joueur de la Ligue nationale qui l'a bien connu, ben, pas comme pas côtoyé du côté personnel, mais il se rappelle très bien de lui comme joueur. C'est Yvon Lambert. Bonjour Yvon. Bonjour. Yvon, évidemment, c'était l'inévitable. Ça avait même été annoncé que. Il y a 2 semaines environ que Mike Bossy était à ses derniers milles. Votre réaction sur le meilleur souvenir peut-être de Mike Bossy? Ah ben là, c'est sûr que c'est une très, très triste nouvelle. Mm. 65 ans, on le savait qu'il était très, très malade, mais pas si vite que ça. Là. Ouais. Ça fait seulement 6-7 mois là, qu'il était hospitalisé. Mais comme tu viens de le mentionner, j'ai joué contre lui plusieurs années. C'était tout un joueur de hockey. C'était le même genre que Guy Lafleur, mais lui, disons que c'était plus facile à l'entour du net, là, c'était plus facile pour lui de compter ses buts. Tandis que Lafleur, il fallait qu'il travaille très, très fort. Mais c'était deux styles semblables, là, des compteurs naturels. Et à l'entour du net, tu sais, compter 50 buts pendant 9 ans, il faut le faire. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec, si Stéphane Lebeau ce matin, j'avais une entrevue avec Stéphane Lebeau ce matin, puis il disait si Mike Bossy aurait joué pour le Canadien, on parlerait d'une légende comme Maurice Richard, comme Jean Béliveau, comme Guy Lafleur? Ça, je suis pas sûr. Ouais. Moi, personnellement, je suis pas sûr. Oui. Parce que de comparer, ben, peut-être à Lafleur, là. Lafleur, c'est dans le même style, c'est les mêmes années. Mais de là être comparé à Béliveau et à Maurice Richard, ben, je pense que Bossy, il avait pas le même style que Maurice Richard. Là. Non, mais Maurice comme personnalité, Richard, peut-être aussi comme Caris, comme Icône. C'est tout, comme... C'est tout... Maurice, c'est tout un compétiteur. Là. Ouais. Tandis que Bossy, je veux pas dénigrer les gars qui jouent avec Maurice, là, en même temps que lui. Mais Bossy, il jouait avec deux joueurs extraordinaires en Brian Trottier et en Claude Gillies. Ouais. Puis là, ben, tu sais, Claude Gillies, que lui, est décédé il y a 3-4 mois. C'est terrible, ces nouvelles-là. Terrible. Ouais. Et puis, ils sont jeunes à part de ça. Il y en a plusieurs qui sont partis, Claude Gillies. Jean Potvin, ben, oui. Moins connu que Denis, son frère, mais c'était quand même un gars qui a connu une carrière respectable dans la Ligue nationale de hockey avec c'est les Islanders. Fait que lui aussi, c'était très jeune, là, pas 65, 66 ans. Oui, c'est très, très jeune. C'est, comme on vient de le dire, là, c'est une très, très triste nouvelle. Ça a été très triste quand j'ai su que Claude Gillies était décédé lui aussi parce que il y a 3 ans, avant la pandémie, j'avais passé une fin de semaine avec lui à l'île du Prince-Édouard, un tournoi de golf. OK. Puis je l'avais trouvé extrêmement gentil. Puis Mike Bossy, c'est sûr qu'il est pareil. Alors, on perd des vedettes, là, ça n'a pas de bon sens. Mm. Est-ce que ce matin, on écoute la plupart des témoignages, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais eu une entrevue, Mike Bossy. J'en ai fait plusieurs, des entrevues, là, depuis 14 ans, là, avec des icônes. Mais ce qu'on dit de Mike Bossy, c'est un gars qui était pas tête enflée du tout. Hein. Il pourrait être un gars imbu de lui-même, vedette, mais pas du tout. Il se prenait pas au sérieux. Là. Non, ben tous les commentaires qu'on entend, surtout ceux qui l'ont côtoyé énormément, là, en dehors de l'Atlas. Puis là, j'en ai entendu parler moi aussi, là, parce que j'ai fait quelques émissions avec. Mm. Ça, il y avait un humour, il y avait un très, très bon sens d'humour. C'est un gars qui était terre à terre, tous ses exploits, il était content d'avoir accompli ça, il était content d'avoir gagné 4 Coupes Stanley, comme tout le monde, comme on l'a réalisé nous autres aussi, comme Lafleur l'a réalisé toute sa carrière, t'sais, ces super vedettes-là, là. C'est pas facile. T'sais, eux autres aussi, il faut qu'ils fassent attention à l'extérieur d'Atlas. Mm. Le public, ils sont tellement reconnaissants envers leur public. Mike Bossy est pareil. C'est un monsieur extrêmement généreux et il avait une très, très bonne réputation en dehors d'Atlas. Effectivement. Monsieur Lambert, merci beaucoup. On va s'en reparler dans des moments, espérons, plus joyeux. Oui, j'espère. Joyeux Pâques à tout le monde. Effectivement, donc l'ancien joueur du Canadien de Montréal, Yvon Lambert.